Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On démarre tout de suite avec un hommage à Mario Guccio. Mario Guccio, le chanteur de Machiavel, groupe belge, avec extrait d'un de leurs meilleurs albums, Mechanical Moon Beams. Ça date de 78. The funny story, a story we can write. Thank you.

Thank you. stand up and fight in the city streets. This much I know you expect of me. And once you are given it all, the good looks, the wealth, and the charm, and the innocence, they are all gonna fall. But I will take it back. Your ego's bruised. it's not what you'll possess, it's how you will express the essence of you. It's not the wage you earn, it's about the things you learn and the love that you feel. It's not what y'all can see, it's all that you'll reveal and will make you be you, the perfection of you. Now the shadows are long and the cities are lost to rain. When you wake up every day to find nothing's changed, but before you can speak, you will learn that it's all the same. And the dreams that you country lane is a deck with the time to come. It's not the years you pass, it's about the moments that last forever in you. Shadows are long and the cities are lost to rain. When you wake up every day to find nothing's changed, Résumé des chapitres précédents après Machiavel, un coup de chapeau donc à Mario Guccio, un extrait de Mechanical Moonbeams de 78. Vous avez pu découvrir le nouvel album de John Hackett. John Hackett, ben oui, le frère de Steve Hackett. Et d'ailleurs, ça s'entend hein, au niveau du son. Un double album intitulé « We are not alone, we are not alone, nous ne sommes pas seuls ». Donc, nouveauté de 2017. Ensuite, on est passé à « Playing the Fool », un live de Gentle Giant. Pourquoi ? Parce que Gentle Giant fait la couverture du dernier Acid Dragon. Donc, c'était pour moi l'occasion de vous faire redécouvrir ce groupe phare du prog british, Gentle Giant, un live de 77. Ensuite, vous avez eu le plaisir et l'honneur et l'avantage d'entendre le dernier Steve Wilson to the Bone, donc 2017. Et bon, là, vous voyez le clin d'œil, puisque Steve Wilson sera en concert dans nos murs demain soir. Voilà pour le résumé des chapitres précédents. À venir tout de suite, White Willow, Future Hopes, Future Hopes. Les espoirs du futur, c'est norvégien, ils sont de retour et c'est de 2017. Tout de suite, White Willow.

White Willow, Future Hopes. Ils sont de retour également, les Tangent. Tangent, ce groupe multinational avec un album intitulé The Slow Rust of Forgotten Machinery. The Slow Rust of Forgotten Machinery. Et comme d'habitude, c'est de la qualité. Tangent, tout de suite, c'est sur Progapar et le 100.7. Thank you.

C'est le genre de groupe que j'aime soutenir. Servants of Silence, les serviteurs de la science. Servants of Silence, ils sont british, ils sont jeunes. Ils viennent de Brighton, le sud de l'Angleterre, cette station balnéaire bien connue pour Quadrophenia, surnommée par les british London by the Sea. Voilà, cet album est superbe, de Swan Song, le chant du cygne. Du début jusqu'à la fin, j'ai pris le morceau le plus aventureux, mais il y a des morceaux un peu plus classiques, avec très souvent du mélotron. C'est très très chouette, une couverture très clin d'œil, très british. On reste en Angleterre avec quelque chose d'un peu plus décapant, mais que je tenais à vous faire découvrir. C'est un côté un petit peu de découvreur qui est intéressant. Je veux parler de ce groupe. Un groupe qui s'intitule Tonochrome. Tono, T-O-N-O, puis Chrome derrière, Tonochrome. Et un album intitulé A Map in Fragments. A Map in Fragments, une carte en fragments. Voilà, vous allez voir, ça sort un petit peu du classique, mais c'est aussi très intéressant. Tout de suite, Tonochrome. Light seeping through my eyes and bones. Do we need to have all we want? Oh, no. We've given in. ça ne laisse pas indifférent. Je trouve que c'est novateur. Tonochrome, c'est britannique. On saute au-dessus de la mer du Nord pour atterrir en Norvège avec un combo, ils sont deux, un combo intitulé Jordsøe, J-O-R-D-S-J-O-E, Jordsøe, pas facile à prononcer, Jordsøe, oui, peut-être pas très loin là. Quatrième album, j'avoue que je ne les connaissais pas du tout, donc un album qui vient tout juste de sortir, un titre plus facile à prononcer, Jord, J-O-R-D, vous allez voir, c'est le prog scandinave comme on l'aime, avec du mélotron, des ambiances très mélancoliques, c'est ma foi très bien troussé, tout de suite sur le 100.7. très intéressant, n'est-ce pas, ce genre de show. Voilà, il est temps pour moi de prendre le chemin de retour, du retour. Donc, on se retrouve demain au concert donc, de Steven Wilson. Il sera donc au Transborder demain à partir de 20h. Ne ratez pas, je pense que ça risque d'être un très très très chouette concert. Voilà, je ne résiste pas également à vous rappeler que cette émission, eh bien, elle sera en podcast as soon as possible sur le site d'Acid Dragon. Vous faites aciddragon.eu, cherchez Prog à part et ensuite vous êtes dirigé sur le podcast. Voilà, en qualité, haute qualité HQ, puisque c'est enregistré dans le studio, in the studio. Je ne résiste pas, Terre, à remercier Olivier, mon frangin, qui est co-responsable de cette programmation de l'émission. Voilà, merci à lui. Voilà, on se donne rendez-vous le 5-3, le 5 mars. Et puis d'ici là, bah, tenez tati, à que la prochaine. Et donc, on termine comme on a commencé, avec un hommage à Machiavel, au chanteur de Machiavel. Tout de suite, un deuxième extrait de Mechanical Moonbeams. Of the night followed the light and took the path to their next splendor of light. The rain had beaten down the calm of the night, the love.